بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا أيها الإخوة الكرام نكمل donc la série de cours pour aujourd'hui inshallah ta'ala sur l'explication de introduction, le premier chapitre du livre Ar-Risalah de l'imam Ibn Abi Zayd Al-Kairawani rahimahullahu ta'ala. Est-ce que le polythéisme fait sortir de l'islam et quelle est la preuve? Là, je parle ici du majeur. Le polythéisme majeur, est-ce qu'il fait sortir de l'islam? Surat 72. C'est-à-dire 72. Mashallah. Tayyib. T'as noté le verset ou pas encore? J'ai une partie. Quiconque accorde à l'associé à Allah, il lui interdit le paradis et son refuge sera le paradis. Et donc, on comprend ici que la personne sort de l'islam parce que celui qui est interdit du paradis, c'est celui qui est sorti de l'islam. Le musulman, le paradis ne lui est pas interdit. D'accord ? Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah. Il n'a aucun semblable, c'est-à-dire Allah. Allah n'a aucun semblable ni aucun égal. N'a pas d'enfant, ni de parents, ni de compagne, et n'a pas d'associé. Il continue encore dans le tawhid, on est toujours dans le sujet de l'unicité. Et donc il n'a aucun semblable, ni aucun égal. Concernant cette première partie, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucun égal dans la divinisation, dans la seigneurie, dans les noms et attributs. Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucun semblable dans ces trois éléments. Ce sont les trois branches du tawhid. Dans sa divinisation, c'est-à-dire que c'est lui le seul qui mérite à être divinisé, à être adoré. Dans sa seigneurie, c'est-à-dire que c'est lui le seul à tout gérer, à accorder la subsistance, à accorder la vie, la mort, etc. Et dans ses noms et attributs. Et donc ça, ce sont les trois branches du tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Laysa ka mithlihi shay » Rien ne lui est semblable. « Wa huwa as-sami'ul basir » Et il est celui, il est l'audient et celui qui voit tout. Ah oui, excusez-moi. Al-Shura, le verset 11. Surat Al-Shura, le verset numéro 11. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucun semblable, aucun égal. Dans Sahih Al-Bukhari, selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit, j'ai interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant, quel est le plus grave des péchés? Ayyu dhanbin a'zam ou ayyu ithmin a'zam? Quel est le plus grave des péchés? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le fait que tu accordes un semblable, que tu accordes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Et donc le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un égal, c'est un péché qui est très grave. C'est un péché qui est très grave. On est encore donc dans le polythéisme. Et donc ici, la parole de l'auteur, rahimahullah, et c'est là qu'on va un peu compliquer les choses, Donc restez concentrés. Lorsque l'auteur il nous dit « Il n'a aucun semblable ni aucun égal. » Ici, cette parole, elle nous montre l'interdiction de ce, qui est, de ce qu'on appelle « Et-Tashbih ». C'est quoi « Et-Tashbih » chez les savants? Lorsque les savants nous disent que « Et-Tashbih » c'est interdit. C'est le fait de prétendre que la créature est semblable au créateur ou que le créateur soit semblable à la créature. Une personne qui va dire « La main d'Allah est comme ça » et qui va montrer sa main. Ça s'appelle un tashbih. Il va prétendre que la main d'Allah est comme la sienne. Et c'est pour ça que les savants, dans la définition du terme « tashbih », ils nous disent, c'est le fait d'accorder une des spécificités d'Allah à la créature. Ou le fait d'accorder une des spécificités de la créature à Allah. D'accord ? N'hésitez pas s'il y a des incompréhensions, si vous avez des questions. Non. On va voir tout de suite la différence entre les deux. Et donc, c'est le fait d'accorder une des spécificités de la créature à Allah. Ou d'accorder une des spécificités d'Allah à la créature. Tayyib, aujourd'hui, celui qui va adorer un être humain, un mort, un Sidi, un Wali, hein, Sidi Boussaïd en Tunisie. Et donc, le fait d'adorer ces créatures, celui qui fait cela va accorder à la créature une des spécificités du créateur. Puisqu'il n'y a que le créateur qui mérite d'être adoré. Tu vas donc faire monter cette créature au rang de créateur. Tu lui accordes une des spécificités d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et maintenant, le fait de dire que Jésus est le Fils d'Allah. Là, tu vas accorder à Allah Tabaraka wa Ta'ala une des spécificités de la créature. Puisque la créature, c'est elle qui engendre. C'est nous, nous avons besoin d'engendrer afin de faire perdurer la race. Hein? Nous avons besoin d'enfants qui nous font oublier les problèmes qu'on a eus pendant la journée. Tu retournes, donc tes collègues, ils t'ont fatigué au travail. Tu rentres chez toi, tu vois tes enfants, ça y est. Tu as oublié tout ce qui s'est passé au travail. Et donc, nous, les êtres humains faibles, nous avons besoin d'enfants. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas besoin d'enfants. Il n'a besoin de personne. Et donc le fait de dire qu'il a engendré, cela fait, revient à le faire ressembler aux créatures. Et donc c'est ce qu'on appelle Et-Tashbih. Nu'aym ibn Hammad. Qui connaît Nu'aym ibn Hammad? Et donc il est là le problème. On ne connaît pas les ulémas de la communauté musulmane. Nu'aym ibn Hammad, rahimahullah, il est mort en 224 de l'Hégire. Certains disent 223. Ibn Sa'd, il dit 228. Il est mort entre 220 et 230. Et donc il est mort tôt. Encore plus tôt que l'auteur, qui est mort en 389 de l'Hégire. C'est important les dates. C'est important. C'est important qu'on fasse des efforts. Et donc, cet homme, il est mort tôt. Il fait partie des enseignants de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Il fait partie de ses enseignants. Il a étudié en Irak. Il a étudié dans le Hijaz, Médine, Mecca. Il a étudié aussi en Égypte, Et il est resté en Égypte. Ibn Sa'd dit qu'il est resté en Égypte jusqu'à ce qu'il fût éprouvé par la fitna de Khalq al-Qur'an. Quand il a été amené par les autorités pour dire que le Coran a été créé. Il a refusé de dire que le Coran a été créé. Alors là, il a été rentré en prison, il est resté en prison jusqu'à la fin de ses jours. C'est la même fitna qu'a eu l'imam Ahmed, rahimahullah. Et donc cet homme, il dit « Man shabbaha Allah bi shay'in min khalqihi faqad kafar. » وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ فَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَرَسُولُهُ تَشْبِيهًا. Il dit, celui qui prétend que Allah ressemble à sa créature aura mécru. Et celui qui rejette ce par quoi Allah s'est décrit aura mécru. Donc celui qui rejette ce par quoi Allah s'est décrit. Allah s'est décrit comme ayant un visage, comme ayant deux mains, etc., etc. Il s'est donné des caractéristiques dans le Coran. Celui qui rejette cela, il dit, il aura mécru. Pourquoi? Parce que nous devons croire en tout ce qu'il y a dans le Coran. On ne peut pas venir et enlever ça, je veux, ça, je veux pas, ça, je veux. On n'est pas dans le supermarché. C'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a dit qu'il a telle et telle caractéristique, nous y croyons. Et celui qui n'y croit pas aura rejeté une partie du Coran. Voilà pourquoi il nous dit que celui qui rejette ce par quoi Allah s'est décrit aura mécru. Et ensuite il dit, car certes, ce par quoi Allah s'est décrit, et ce par quoi le prophète l'a décrit ne revient pas au fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça, l'auteur, rahimahullah? Enfin, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça ici, Nouaïm ibn Muhammad? Parce qu'il y a des groupes qui rejettent les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et pourquoi est-ce qu'ils rejettent les attributs d'Allah? Ils rejettent les attributs d'Allah parce que pour eux, le fait d'affirmer les attributs d'Allah, ça revient à dire qu'Allah ressemble à sa créature. Je vais vous donner un exemple. Allah dans le Coran, il nous dit « Bel yadahu mabsoutatan » Mais ses deux mains sont tendues, sont étendues. Et donc Allah s'est décrit comme ayant deux mains. On est d'accord? On est d'accord ou pas? J'ai pas de réponse. Oui, on est d'accord. Et donc, il s'est décrit comme ayant deux mains. Et donc, certains, ils vont dire, si on dit que Allah a deux mains, ça veut dire que Allah, il est comme nous. Il a deux mains, comme ça, etc., etc. Il a cinq doigts, etc., etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle être tashbih, le fait de faire ressembler Allah à sa créature. Et donc, ici, il nous montre le fait d'affirmer ce qu'Allah a affirmé le concernant, ce n'est pas du tashbih. Ce n'est pas faire ressembler Allah à la créature. Nous affirmons juste ce qu'Allah a dit le concernant lui-même. Mais nous ne disons pas que Allah est comme sa créature. La preuve, j'ai une tête. On est d'accord? Toi, alors on va prendre quel animal ici en Martinique? On va prendre un chat. Le chat a une tête. Est-ce que le chat a la même tête que moi? Est-ce que le fait de dire que moi j'ai une tête et que le chat a une tête, ça veut dire que je suis comme le chat? Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc ça, c'est une différence qu'il y a entre les créatures. Que dire de la différence qu'il y a entre le créateur et ses créatures? Et donc, ce point-là, c'est un point important, barakallahu fikoum, parce que beaucoup ont dévié sur ce sujet. Beaucoup ont dévié sur ce sujet. Hein? Dernièrement, parmi ceux qui faisaient khourouj, par exemple, qui rejetaient des noms, des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, par cette même ambiguïté. Le fait de dire que Allah s'est établi sur son trône, ça veut dire qu'il est comme nous. Le fait de dire que Allah descend, ça veut dire qu'il est comme nous. Le fait de dire que Allah donne, ça veut dire qu'il est comme nous. Non, pas du tout. Pas du tout. La façon dont Aouf, il descend les escaliers, la façon dont moi je descends les escaliers n'est pas la même. Alors que nous sommes deux hommes. Sa descente n'est pas la même que ma descente. Et donc il est important qu'on comprenne bien cela. Nous devons affirmer ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Mais cela ne veut pas dire que nous faisons ressembler à Allah tabaraka wa ta'ala, que nous prétendons qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressemble à ses créatures. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, donc il n'a pas d'enfant, toujours sur la même page, n'a pas d'enfant, ni de parents, ni de compagne, et n'a pas d'associé. Ça, c'est sourate Al-Ikhlas. Sauf Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'a pas d'enfant. Lam yalid, il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a aucun égal, aucun associé, aucun égal. Et donc le fait de dire que Allah tabaraka wa ta'ala a engendré ou qu'il a été engendré, ça c'est du tashbih. C'est le fait de prétendre qu'Allah est semblable à ses créatures. Le fait de prétendre qu'Allah est semblable à ses créatures. Et aussi ceci revient au fait de rabaisser Allah et de l'insulter. Oui, le fait de dire qu'Allah a un enfant, c'est insultant pour Allah tabaraka wa ta'ala. On a déjà vu ce hadith dans Sahihayn. Dans Sahihayn, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit. Donc là c'est un hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah. Le prophète nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. L'enfant de Adam m'a traité de mensonge et cela ne lui est pas convenable. Et l'enfant de Adam m'a donc insulté et cela ne lui est pas convenable. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما خلقني. Et certes, le fait qu'il me traite de mensonge, c'est sa parole lorsqu'il dit, il ne me fera pas ressusciter de la même façon qu'il m'a créé. Et donc le fait de rejeter la résurrection. وليس أول خلق بأهون من إعادته. Et certes, le fait de créer l'être humain n'est pas plus simple que le fait de le faire revenir. C'est pareil pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite il dit, وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاي. En ce qui concerne le fait qu'il m'a insulté, alors c'est le fait qu'il m'attribue un enfant. C'est le fait qu'il m'attribue un enfant. Et donc Allah il montre que ça c'est insultant pour lui. Et ensuite il dit, وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ. Et je suis الْأَحَد, l'unique, celui qui n'a aucun semblable. الصَّمَد, celui qui se passe de tout et tous ont besoin de lui. Il se passe d'enfants, il se passe de tout. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَد. Je n'ai pas engendré, je n'ai pas été engendré et je n'ai aucun égal. Et donc ce point-là, on est encore, barakallahu fikoum les frères, dans le tawhid. On est encore dans l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un point très important. Celui qui va rejeter des attributs d'Allah, cela est un sujet qui peut faire l'individu sortir de l'islam. C'est un sujet qui est grave et lourd. Il est important de comprendre cela. Et on continue dans ce même sujet, inshallah ta'ala, on va voir certains points encore très importants, on va détailler un petit peu biznillah. Il nous dit l'auteur à la page 5, il n'a pas de commencement ni de fin. Il n'a pas de commencement ni de fin. Et donc par rapport à ça, on a déjà vu précédemment que Allah tabaraka wa ta'ala c'est Al-Hayy. Ça veut dire quoi Al-Hayy? Le vivant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On avait expliqué le nom El-Hayy. L'éternel. Et donc ça veut dire quoi l'éternel? Qui ne meurt pas, c'est tout? Alors, si vous allez demander aujourd'hui à un catholique ou à un chrétien, pas aujourd'hui parce qu'ils sont en train de fêter, mais dans deux jours peut-être, si vous allez leur demander est-ce que Jésus va mourir, il y en a beaucoup qui vont vous dire non. Jésus ne peut pas mourir, ça, Jésus c'est Dieu. Et donc, à ce moment-là, Jésus, est-ce qu'il mériterait le nom El-Hayy, l'éternel? Puisque vous me dites que l'éternel, c'est celui qui ne meurt pas. Ah, barakallahu fik. El-Hayy, celui qui n'a pas de début, n'a pas de fin. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et c'est pour ça que lorsqu'on va débattre justement avec les chrétiens, on leur dit, Jésus, il a une date de naissance. Oui, c'est bon, c'est terminé. C'est terminé. À partir du moment où il est né un jour, ça veut dire qu'il ne mérite pas l'adoration. C'est terminé, ça s'arrête là. Le seul à mériter l'adoration, c'est celui qui n'a ni début ni fin. Car celui qui a un début, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a fait débuter. Et donc, il n'a pas géré cette chose qui l'a fait débuter. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est donc l'éternel. Il n'a pas de commencement ni de fin. Et ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, les hommes ne peuvent savoir comment sont réellement ses attributs. Les hommes ne peuvent savoir comment sont réellement ses attributs. Et c'est ce dernier point qu'on va expliquer aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, il nous reste combien de temps? Masha'Allah, on a pris du retard. Et donc, parmi les règles importantes dans les noms et attributs, il y a le fait que les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont connus d'un point de vue et sont inconnus d'un autre point de vue. Hein, comme on dit dans cette expérience, dans l'expression française, on regarde la même pomme, mais de l'autre côté. Et donc, les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont connus d'un point de vue et inconnus d'un autre point de vue. Puisque tout à l'heure, on a dit qu'on affirme tous les attributs d'Allah. Tout ce par quoi Allah s'est décrit dans le Coran, nous devons l'affirmer parce que nous croyons en tout le Coran, du début à la fin. On ne rejette aucune page, aucun verset, aucun mot, aucune lettre du Coran parce que c'est la parole de celui qui nous a créés. Et donc on accepte tout ce qu'il y a dans le Coran. Tayyib. Et donc tous les attributs qui sont dans le Coran, nous les affirmons. Allah a cité donc qu'il a deux mains. Est-ce que nous connaissons la main? On connaît le terme la main, on sait ce qui est voulu par là. Et donc cet attribut, il est connu d'un point de vue. On sait ce qui est voulu par la main. On connaît la différence entre une main et une tête. Mais maintenant, comment est cet attribut? Alors ça, on ne le connaît pas. Et donc l'attribut, il va être connu d'un point de vue, c'est-à-dire le sens, ce qui est voulu par là. Et il va être inconnu d'un autre point de vue, c'est-à-dire comment il est. Personne ne peut savoir comment est Allah, comment est sa main, comment est son visage, etc., etc. Nous savons qu'il s'est décrit. Mais comment il est, comment sont réellement ses attributs, ça nous ne pouvons pas le savoir. Nous ne pouvons pas le savoir. Pourquoi, barakallahu fikoum les frères? Parce que l'attribut d'un élément, d'une chose, peut être connu de trois manières. L'attribut d'une chose peut être connu de trois manières. Alors, on va citer un exemple. Ici, on va prendre pour exemple notre frère, donc Moussa. Notre frère Moussa de Mendezès, qui sûrement nous écoute. Hein? Désolé Moussa, mais on va te citer maintenant. Et donc certains d'entre vous le connaissent. Ils l'ont déjà vu. Et donc ils savent comment il est. Et donc ça, c'est une manière de savoir comment est l'attribut d'une personne. Tu sais comment est sa main, tu sais comment, donc de quelle taille il est, tu sais comment est son visage, etc., etc., etc. Parce que tu l'as vu. Certains d'entre vous ne connaissent pas Moussa de Mendezès, ils ne l'ont pas vu. Mais par contre, il y a Souleymane qui l'a vu, moi je l'ai vu, il y a Issa qui l'a vu, il y a Khalil qui l'a vu, il y a Cheikh Mbaké qui l'a vu, il y a plein d'autres frères qui l'ont vu et qui peuvent décrire comment il est Moussa. On va vous dire Moussa, il est comme ça, il est comme ça, il a ci, il a ci, il a ça. Et donc la deuxième méthode pour connaître les attributs de quelqu'un, c'est qu'une personne de confiance te décrive comment il est. Ou, troisième méthode, que tu connaisses une personne qui ressemble fortement à Moussa. S'il a un frère jumeau, par exemple. On va te dire, ah, tu vois cet homme-là, c'est la copie crachée de Moussa. C'est son frère jumeau. Et donc là, on a trois méthodes pour connaître les attributs d'une personne. Ou pour connaître les attributs d'une chose. Soit on l'a vu, soit on a vu quelqu'un qui lui ressemble, soit une personne de confiance l'a vu et nous décrit comment il est. Concernant Allah tabaraka wa ta'ala, ces trois méthodes sont rejetées, inexistantes. Personne ne l'a vu. Personne n'a vu quiconque qui ressemble à Allah. Et personne de confiance ne nous a décrit comment est Allah. Le prophète ne nous a pas décrit. Elle ne nous a pas dit sa main, elle est comme ça, son visage comme ça, etc., etc., etc. Et donc à partir de là, il nous est impossible de savoir comment il est. Comment sont réellement ses attributs? Et donc, il est interdit de poser la question comment. Il est donc interdit de poser la question comment. Parce que c'est cette question-là qui va te mener à ta perte. C'est pour ça que certains ont rejeté les attributs d'Allah. Ils ont vu marquer main dans le Coran, main d'Allah. Ils ont dit, mais comment aller la main? La seule main qu'ils connaissent, c'est leur main, eux. Ou alors ils vont penser à certaines autres créatures. Et donc ils vont se dire, ils vont penser en fonction de ce qu'eux, ils voient, de ce qu'ils connaissent déjà. Ah, donc si on dit qu'Allah a une main, ça veut dire qu'elle est comme la nôtre, ou comme telle créature, ou telle... Ah non, ça ne convient pas à Allah. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rejette. Allah n'a pas de main. C'est ça qui les a menés à rejeter les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait qu'ils ont posé cette première question qui est « Comment ?» Voilà pourquoi l'imam Malik, rahimahullah, un homme est venu le voir et l'a interrogé. « Ô imam, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ar-Rahman. » Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Allah s'est établi sur son trône. Il a cité le verset. Et ensuite, il dit à l'imam Malik, « Kayfa istawa ?» Il a dit, « Comment s'est-il établi ?» Comment ? Il a posé la question, « Comment Allah s'est établi sur son trône ?» Il a répondu l'imam Malik, « Rahimahullah, par cette parole qui est très connue et propagée de lui. « Al-istiwa ou ma'loum ?» Donc le fait de s'établir sur le trône est connu. C'est un attribut qui est connu. On le connaît. Donc c'est pour ça qu'on dit que les attributs sont connus d'un point de vue. Et ensuite il dit « Wal kayfu majhoul ». Et comment il s'est établi? Ça c'est inconnu. Ça c'est inconnu. Et donc l'établissement sur le trône est connu. Comment il s'est établi sur le trône? Ça c'est inconnu. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ. Il est obligatoire de croire en cela. Parce que Allah nous a dit dans le Coran qu'il s'est établi sur le trône. Et donc nous devons y croire. وَالسُّؤَلُ عَنْهُ بِدَعَةٌ. Et il dit l'imam Malik, et le fait de demander concernant cela est une innovation. Le fait de demander comment Allah s'est établi, c'est une innovation. Et donc voilà pourquoi on arrive à ce point important. On n'a pas à demander comment sont les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce qu'au final, nous ne pouvons pas donner de réponse. Nous ne pouvons pas donner de réponse à cela. Barakallahu fikoum. Ça fait 30 minutes, on va juste finir en citant rapidement comment, on va dire, les gens se sont divisés sur ce sujet qu'on vient de voir dans ce cours en trois groupes, en trois gros groupes. Le premier groupe, Al-Mufawwida. Al-Mufawwida, avec un dod. Dod et tamarbouta à la fin, et pour la phonétique, qu'à la facilité. Al-Mufawwida. Et donc ce groupe-là, ils disent, concernant l'istiwa, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala s'est établi sur son trône, ils disent, on ne connaît pas le sens. Ils vont voir marqué dans le Coran, Allah s'est établi sur le trône. Ils vont dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ils vont voir dans le Coran que Allah a deux mains. Ils vont dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Tout ce qui concerne les attributs d'Allah, ils vont dire, le sens, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Pourquoi ils disent ça? Parce que si ils affirment le sens, ils pensent que cela fait ressembler Allah à sa créature. Et donc ils vont dire, même le sens, on ne le connaît pas. Et ça c'est grave, parce que ça veut dire que Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous a envoyé un livre sur lequel on ne peut pas méditer. Puisqu'on ne connaît pas, on ne connaît pas tous les attributs qu'il y a cités dans le Coran, on ne peut pas les comprendre. Et donc, il nous a, Allah tabaraka wa ta'ala, s'adresse à nous avec un livre qu'on ne peut comprendre. Et ensuite, on sera châtié parce qu'on n'aura pas compris. Et donc ça, c'est une injustice. Et donc cette croyance, elle est totalement erronée. Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyé un livre avec une langue arabe claire que nous pouvons comprendre. Et il l'a fait descendre sur son prophète afin qu'il nous l'explique. Comme il l'a dit clairement, tabaraka wa ta'ala. Le deuxième groupe, Al-Mushabbiha. Al-Mushabbiha, ce sont ceux qui prétendent que Allah ressemble à ses créatures. Ceux qui prétendent que Allah ressemble à ses créatures. Eux, ils vont dire, donc, Al-Istiwa, le fait de s'établir sur le trône, c'est comme nous, on va faire comme ça, et donc Allah, c'est comme ça. La main d'Allah est comme la nôtre. La face d'Allah est comme la nôtre. Etc, etc. Ça c'est Al-Mushabbiha, ceux qui vont prétexter qu'Allah ressemble à ses créatures. Et ensuite on a Al-Mu'attila. Al-Mu'attila, ce sont ceux qui vont rejeter totalement. Ils ne vont pas dire on ne comprend pas le sens. Ils ne vont pas dire la main d'Allah est comme la nôtre. Ils vont dire on ne dit pas qu'Allah a une main. On ne dit pas qu'Allah a une main. Comme donc ceux qui font khuruj. C'est exactement ça. On ne dit pas qu'Allah a une main. On ne dit pas qu'Allah a une face. On ne dit pas qu'Allah descend. On ne dit pas qu'Allah s'est établi sur le trône. On ne dit pas qu'Allah étend ses mains. On ne dit pas, on ne dit pas, on ne dit pas, on ne dit pas, on ne dit pas. On ne dit pas qu'Allah est au-dessus des cieux. Allah n'est nulle part. On n'attribue pas un endroit à Allah. Etc, etc, etc. Ils vont rejeter tous les attributs qu'Allah s'est attribué dans le Coran. Allah nous dit Amintum man fis sama. Il dit, vous sentez-vous en sécurité de celui qui est au-dessus des cieux? Ils vont dire non, il n'est pas au-dessus des cieux. On ne peut pas dire ça. Comment il s'appelle? Ça, c'est Al-Mu'attila. Al-Mu'attila, si tu veux, au lieu de marquer en arabe, mais maintenant tu peux, mashallah. Mim, Aïn, To. Mim, Aïn, To. Mais oui, tu peux. C'est Mu'attila. Ah, To, Mu'attila. Abtol, Ta'til. De toute façon, tu reviens me voir après. On va l'écrire correctement. Inch'Allah ta'ala. Pour tous les deux. Et donc, Barakallahu fikoum, donc ce dernier groupe, donc Al-Mu'attila, ceux qui ont rejeté totalement. Et donc ça, ce sont les trois groupes qui ont dévié concernant ce sujet. Donc les trois groupes, mais dans chaque groupe, il y a plusieurs groupes aussi. Et ensuite, il y a Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah et du groupe, qui affirment tous les noms et attributs d'Allah ta'ala qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et tout à l'heure, bi'idhnillah, on va faire une pause et on continue bi'idhnillah dans quelques minutes. Inshallah. On avait dit à quelle heure le troisième cours? À 5h. Inshallah, on a 15 minutes de pause. À 5h15, ouais. On va prendre une demi-heure de pause, inshallah. Et on se retrouve tout à l'heure, bi'idhnillah, waffaq Allah al-jami'. لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On profite de la pause, ceux qui ont des questions pour venir inshallah.